Si notre vie est moins qu'une journée en l'éternel, si l'âme qui fait le tour chasse nos jours en vain, sans espoir de retour, si périssable est toute chose née, que songes-tu, mon âme emprisonnée? Pourquoi te plaît l'obscur de notre jour, si pour brûler un plus clair séjour, tu as au dos l'aile bien empanée? L'aile bien que tout esprit désire, là le repos tout le monde aspire. Là est l'amour, là le plaisir encore. Là où mon âme plus au ciel guidée, tu y pourras reconnaître l'idée de la beauté.